l'achat du papier, du cahier et des crayons. Chez grand-mère, il n'y a pas de papier ni de crayon. Nous allons en chercher dans le magasin qui s'appelle Librairie Papeterie. Nous choisissons un paquet de papier quadrillé, du crayon et un grand cahier épais. Nous posons tout cela sur le comptoir face au gros monsieur qui se tient derrière. Nous lui disons « Nous avons besoin de ces objets, mais nous n'avons pas d'argent. » Le libraire dit « Comment ? Mais il faut payer. » Nous répétons « Nous n'avons pas d'argent, mais nous avons absolument besoin de ces objets. » Le libraire dit « L'école est fermée, personne n'a besoin du cahier ni du crayon. » Nous disons « Nous faisons l'école chez nous, tout seuls, nous-mêmes. » « Demandez l'argent à vos parents. » Notre père est au front et notre mère est restée à la grande ville. Nous habitons chez notre grand-mère. Elle n'a pas d'argent non plus. » Le libraire dit « Sans argent, vous ne pouvez rien acheter. » Nous ne disons plus rien. Nous le regardons. Il nous regarde aussi. Son front est mouillé de transpiration. Au bout d'un certain temps, il crie « Ne me regardez pas comme ça! Sortez d'ici !» Nous disons « Nous sommes disposés à effectuer quelques travaux pour vous en échange de ces objets. Arroser votre jardin, par exemple. Arracher les mauvaises herbes. Porter des colis. » Il crie encore « Je n'ai pas de jardin! Je n'ai pas besoin de vous! Et d'abord, vous ne pouvez pas parler normalement ?» Nous parlons normalement. « Dire à votre âge, disposé à effectuer, c'est normal ça ?» Nous parlons correctement. « Trop correctement, oui, je n'aime pas du tout votre façon de parler, votre façon de me regarder non plus, sortez d'ici !» Nous demandons « Possédez-vous des poules, monsieur ?» Il tapote son visage blanc avec un mouchoir blanc. Il demande sans crier « Des poules, pourquoi des poules ?» Parce que si vous n'en possédez pas, nous pouvons disposer d'une certaine quantité d'œufs et vous les apporter en échange de ces objets qui nous sont indispensables. Le libraire nous regarde, il ne dit rien. Nous disons, le prix des œufs augmente de jour en jour. En revanche, le prix du papier et des crayons. Il jette notre papier, nos crayons, notre cahier vers la porte et hurle, dors ! Je n'ai pas besoin de vos œufs ! Prenez tout ça et ne revenez plus ! Nous ramassons les objets soigneusement et nous disons « Nous serons pourtant obligés de revenir quand nous n'aurons plus de papier ou que nos crayons seront usés. »